Tu disais demain je vais remonter. Maintenant c'est sûr, tu t'es trompé. Tu dévales vers ton enfer adoré. Ça ne suffit pas de tout regarder. Encore faut-il un jour s'y atteler. Tout a coulé dans ton enfer adoré. La, la, la, la, la, la, la. Tu n'y étais pas vraiment obligé. Tu pouvais tracer dans la foulée, dans les sentiers d'heure. Mais tu t'es arrêté. Il paraît qu'on t'attend quelque part. Il t'a manqué l'heure et à ton départ.